Merci d'être avec nous, merci d'être avec nous pour ces 30 heures de direct non-stop, depuis ce matin 9h jusqu'à demain 15h. Alors exactement. Bon anniversaire Fadjet. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale métier d'art. J'ai beaucoup d'invités dans le studio ce matin. Merci à tous d'être avec nous. Je vais commencer par vous présenter tout d'abord. Christophe Delavenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la mission Lorraine des métiers d'art, correspondant Lorrain pour l'INMA, l'Institut National des métiers d'art. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie. Bonjour Monique Manoa, bonjour. Vous êtes chargée de mission pour le pôle bijoux à Baccara. Merci également d'être avec nous. Merci. Anne Plumakers, vous êtes en charge de l'événementiel et formatrice au CERFAV, le Centre Européen de Recherche et Formation aux Arts Verriers à Vannes-le-Châtel en Lorraine. Merci également d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivia. Bonjour Anne. Bonjour également à Marie Flambard qui est sculpteur parurier. Tout à fait, bonjour. Alors on expliquera ce matin ce qu'est un sculpteur parurier parce que je pense que beaucoup de nos éditeurs ne savent pas. Et puis il y a également d'autres personnes dans le studio qui prendront la parole tout à l'heure. Stéphanie Zoukali, venez, venez, n'ayez pas peur. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans le studio ce matin donc on n'a pas encore la place pour tout le monde mais on va faire des petits changements au cours de cette émission. Stéphanie Zoukali, vous êtes directrice déléguée AFPIA Est-Nord et secrétaire générale du pôle national de compétences ameublement, bois, décoration. Merci également d'être avec nous, Stéphanie. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis également, on attend, tout à l'heure dit bonjour à Marie Flambard, qui est la première artisan d'art avec nous ce matin, qui est sculpteur parurier. Il y aura également avec nous ce matin, dans cette heure de 10h à 11h, Emmanuel Cuny, qui est tapissier d'art. Beaucoup, beaucoup d'invités, Florent. Hein, des invités prestigieux, moi je suis assez contente. Mais moi je suis assez content aussi, puis je me rends compte que je vais découvrir beaucoup de choses. Parce on l'espère. Que j'ai beaucoup de passion pour les artisans, mais je ne connais pas forcément tous les domaines de métiers dont on vient de parler, donc ça m'intéresse. Oui. Et c'est pour ça que je voulais faire une émission spéciale métiers d'art, parce qu'en Lorraine, on a des métiers d'art très diversifiés et vraiment des artisans de talent. Alors pour débuter ces 30 heures, pour fêter dignement ces 30 ans de Fadjet, Florent, je crois qu'on va commencer par faire une rétrospective de 1986, n'est-ce pas ? Eh ben moi, ça me plairait bien parce qu'effectivement, en 1986, pour ma part, j'étais pas né. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Moi, j'étais né, j'avais un an. Lors de cette deuxième année de Radio Fadjet. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements phares ? Tout ça, eh bien, on va le savoir. Exactement. On va commencer par l'éphéméride en 1986. Allez, on se replonge quelques années auparavant. Alors, la météo en cette année 1986 est tourmentée, malheureusement. Cela avait pourtant bien commencé avec des températures agréables, jugées plus tôt. En ce début d'année 1986, l'Europe se réchauffe en accueillant le 1er janvier 1986 dans la CEE, la Communauté économique européenne, l'Espagne et le Portugal. L'Europe est désormais forte de 12 pays membres. Pourtant, le temps se rafraîchit vite, de même que le ciel s'assombrit, pour devenir menaçant. Le 12 janvier meurt l'écrivain Marcel Arlan, prix Goncourt, 1929, pardon, pour ce roman « L'Ordre ». Le 23 janvier, c'est également au tour de la pianiste Yvonne Lefébure de nous quitter. Le 28 janvier, l'orage éclate, faisant de nombreuses victimes. 7 étoiles montent au ciel, 7 astronautes, dont 2 femmes, 1 minute 30 après le décollage de la navette Challenger qui explose en plein vol. Le 29 janvier, c'est le coup de tonnerre. Un coup de tonnerre sans précédent. Coup d'état militaire en Ouganda, Yoweri Museveni prend le pouvoir. En février, un cyclone s'abat sur la France, laissant la place à l'effroi, à la stupeur et à la peur. Les 4 et 5 février, deux attentats sont perpétrés sur le sol français. L'un contre la librairie Gibert Jeune, au quartier latin à Paris, 4 blessés. L'autre contre le magasin Fnac Sport au Forum Dial à Paris, 9 blessés dont 3 graves. Après l'orage, je vous rassure, vint le soleil et l'arc-en-ciel. Le 11 février, le dissident juif soviétique Anatoli Tcharansky, emprisonné en URSS depuis 1997, est libéré à Berlin. Le lendemain, l'accord sur le tunnel de la Manche est signé. Cette même année, le soleil brille pour le cycliste américain Greg LeMond qui remporte le Tour de France. Il rayonne même pour le réalisateur américain Sidney Pollack. Il remporte l'Oscar du meilleur réalisateur et meilleur film pour son film Out of Africa. Malheureusement, l'accalmie, est de courte durée. Des vents violents rapportent un air contaminé, celui de Tchernobyl. Nous sommes le 26 avril 1986. Les vents soufflent très fort, trop fort. La vitrine d'un magasin Tati explose due à une bombe rue de Rennes à Paris, faisant 5 morts et 61 blessés. La tristesse nous envahit. On se sent soudainement orphelin. Orphelin aussi lorsqu'on apprend la mort de Thierry Leluron,

Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et nous sommes en direct pour ces 30 heures de Radio Non-Stop. Nous entamons la deuxième heure et l'année 1986 pour être plus précis. Et nous voulions avoir le témoignage d'un ancien de Fadjet. En l'occurrence, il s'agit de Gilles Blondet. Gilles, est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends très très bien. Super. Bonjour à tous. Alors, on est bonjour Gilles. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Fadjet. Voilà. Alors, quel était votre rôle justement à Fadjet, puisque vous, vous êtes là depuis le début en fait ? Bah, effectivement, on a démarré avec Guy et Thierry et puis d'autres aussi. Hein. Et comme j'étais très branché technique et très bricoleur, je me suis plutôt occupé de toute la partie technique de Fadjet. D'accord. Voilà, démarrage. Donc installer les studios, les émetteurs radio, les micros, enfin tout le système là. Voilà. D'accord. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que ça vous a apporté pour vos activités personnelles, parce que quand vous êtes arrivé à Fadjet, c'était évidemment pas votre métier, vous étiez bénévole. Ces compétences-là qui sont tout à fait valorisables, est-ce que ça vous a aidé pour la suite, pour vos activités professionnelles ? Pas forcément directement, quoi. Hein. Moi, ce qui m'a surtout, c'est surtout personnellement ouvert sur retirer des joies et du bonheur. Puisque assez rapidement sur Fadjet, je crois que c'est dès 1986, on a permis à des jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc à l'époque, c'était Philippe Seguin qui avait créé ce qu'on appelait les travaux d'utilité collectif. Et on a eu l'occasion, par ce système-là, de pouvoir embaucher un jeune. Et l'objectif de ces travaux, de ces TUC, c'était de donner du travail à temps partiel à un jeune et l'autre temps était consacré à sa formation et à la définition de son parcours professionnel. D'accord. Donc le premier qu'on a eu comme contrat TUC, c'est moi qui l'ai suivi parce qu'effectivement il fallait lui donner de l'occupation toute la semaine. Et aussi le suivre pour définir avec lui un parcours professionnel pour ce qu'il voudrait faire à l'issue de son année à la radio. On se rend bien compte que Fadjet a toujours été une maison d'accueil et d'insertion. Hein. C'était déjà le but à son début, on en parlait avec Guy Lescane tout à l'heure. Est-ce que vous pensiez que Fadjet aurait un jour 30 ans ? Non, je voulais vous poser la question, mais c'est vrai que je suis très surpris que ça ait duré 30 ans. Et puis que l'esprit soit toujours conservé. D'accord. Hein, c'était une radio qui était plus destinée vers ceux qui sont pas forcément touchés par la radio ou vers ceux pour lesquels on porte pas une attention bien particulière. Donc moi, je suis heureux de savoir que ça continue, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Gilles Blondet, d'avoir pris quelques minutes pour nous donner vos impressions, simplement, sur Radio Fadjet et sur les 30 ans qui se sont écoulés. Est-ce que vous vous rappelez de l'émission Ouvrons le dossier ? Ça vous dit quelque chose ? Non, non. Je me souviens d'une émission, parce qu'elle est toujours à la grille, c'est Parole d'Outre-Mur. Hein, parce que moi, je m'occupais de l'animation de la radio le dimanche, quand on démarrait. On faisait que 2 heures d'émission quotidienne. Je m'occupais du créneau 18-20 heures et il y avait effectivement un temps horaire qui était consacré justement à l'échange de courriers et de musique entre les prisonniers et leurs familles. Et c'est toujours le cas, hein, l'émission Pomme, comme on l'appelle à Fadjet. Il y en aura une durant ces 30 heures, de 18h à 19h, une spéciale Pomme, Parole d'Outre-Mur. Et d'ailleurs, Olivia est tout sourire puisqu'elle fait partie des animateurs de cette émission. Je vous propose qu'on découvre ensemble l'émission qui était phare en 1986, c'était Ouvrons le dossier. Et puis après, on parlera de l'artisanat d'art. Fadjet. Fadjet. Un projet social, pédagogique et dynamisant. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Ouvrons le dossier, 4 mois après, la vie dans les lycées. Réalisée par Bernadette Dure et animée par Guy Lescane. Rappelez-vous, c'était le 20 novembre dernier, des jeunes étaient dans la rue pour manifester. Je dis bien des jeunes, car d'autres avaient choisi de ne pas être dans la rue et de ne pas manifester, pour diverses raisons. Et nous avions invité les uns et les autres, tout au long de ces événements et aussi le 20 novembre, avec des adultes, pour ouvrir avec eux le dossier des lycées, le lycée pour quoi faire. Aujourd'hui, un peu moins de 4 mois après cette émission, nous avons choisi de continuer à ouvrir le dossier. Et bien d'autres que nous ont laissé ce dossier ouvert. Et de faire le point avec ces mêmes jeunes et ces mêmes adultes. Autour de la table de notre studio, plusieurs invités. Sam de Bon Secours, qui va arriver incessamment sous peu, mais il est parfois un peu difficile de se démêler dans les encombrements et de sortir d'un lycée. Ainsi que Fabienne, qui est là, animatrice au même lycée Jean Prouvé. Bon Secours. C'était un extrait d'Ouvrons le dossier sur Fadjet en 1986. Dans quelques instants, nous attaquons l'émission Demain de Maître. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission spéciale Demain de Maître de 10h à 11h en direct pour les 30 ans de Fadjet. Je suis super heureuse d'être avec vous ce matin. Alors ce matin, c'est une émission spéciale Demain de Maître avec des invités prestigieux autour de moi, autour de la table. Je suis ravie. Donc je vais refaire rapidement un petit tour de table de mes invités, à la fois trois structures qui innovent et qui portent l'innovation dans les métiers d'art et qui forment les talents de demain. Et également deux artisans d'art d'exception qui sont avec nous et qui nous font le plaisir de faire gagner aux auditeurs des créations faites main. Alors restez avec nous jusqu'à 11h en direct. Vous aurez en effet peut-être la chance de gagner un bijou créé, fait par Marie Flambard, sculpteur parurier, et des coussins réalisés par Emmanuel Cuny. Alors restez avec nous, c'est parti pour 45 minutes d'artisanat d'art. Christophe, bonjour, Christophe Delavenne. Vous êtes chef de la mission Lorraine des métiers d'art et également coordinateur lorrain pour l'INMA, l'Institut national des métiers d'art. Vous êtes un petit peu, je dirais, le pilote, l'interface à la fois des structures liées aux métiers d'art et de tous les artisans d'art. Tout le monde vous connaît. Hein. Oui, bah écoutez, en fait, je dirais, moi, je suis animateur. Oui. Et effectivement, là, je travaille avec toutes les structures qui sont présentes aujourd'hui. L'idée, c'est comme on a une région qui est très riche de métiers d'art, parce que je donne 2 ou 3 chiffres, c'est important, allez-y, on ne le sait pas. Hein. Il y a 1200 ateliers d'artisans d'art en Lorraine, il y a 32 centres de formation aux métiers d'art. On peut se former en Lorraine dans pratiquement tous les métiers d'art. Il y a 40 rendez-vous par an où on peut aller sur des manifestations métiers d'art. Donc on a une région très très riche de métiers d'art. Et puis on a des gens de grands talents qui transforment le verre, le bois, le cristal, le métal, la pierre, le tissu. Enfin, tous les matériaux qui se présentent à eux et qui le font avec des techniques traditionnelles et qui innovent parce qu'ils le font aussi avec des techniques très très contemporaines. Le numérique et les métiers d'art ne sont pas deux mondes étrangers l'un à l'autre. Exactement, alors on va en parler plus longuement dans l'émission. Vous dirigez la mission Lorraine des métiers d'art. Qu'est-ce que c'est que cette mission et quelles sont ces missions ? Alors, la mission Lorraine des métiers d'art, déjà, il faut savoir, c'est un service de la région de la Lorraine, ce qui prouve l'attachement que la région a pour ses métiers. Et c'est un petit service, une petite équipe commando de 2 personnes et demie qui est là pour aider tous ceux qui ont un projet dans le secteur des métiers d'art à le réaliser. Ça peut être des jeunes qui cherchent simplement une information sur qu'est-ce que sont ces métiers, comment on les fait. Ça peut être des artisans qui sont en train de s'installer. Ça peut être des entreprises installées depuis longtemps. Ça peut être une ville qui veut organiser un marché métier d'art. Enfin, les domaines dans lesquels on intervient sont extrêmement nombreux, variés. Je dirais même que de temps en temps, je ne sais pas bien, quand j'arrive à 8h au bureau le matin, ce que je vais faire dans la journée. J'en ai une idée un peu précise, mais il y a toujours des nouveautés parce que c'est un métier qui est plein de surprises. On travaille avec des gens qui sont extraordinaires, qui ont une idée à la seconde, et à nous d'essayer de les suivre sur ces idées-là ou de les aider à les développer. Et alors vous, Christophe Delavenne, on l'a dit, la Lorraine est un terreau très très fertile au niveau des métiers d'art. Plus de 1000 ateliers en Lorraine, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Vous, au quotidien, en quoi consiste votre travail ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est effectivement, je vous le dis, très varié. Je pourrais vous dire, par exemple, cette semaine, j'ai commencé la semaine en étant à Vittel. On est en train de travailler sur une idée assez géniale qui me plaît beaucoup, avec un hôtel qui s'appelle Les Bons Vivants, qui est un hôtel qui a été repris par des acteurs à Vittel pour faire une grosse opération sur le lien entre métiers d'art, cinéma, théâtre, et faire une grosse exposition autour de cette idée-là. Le lendemain matin, je recevais un jeune qui était intéressé par les métiers du métal et qui ne savait pas très bien ce que c'était. On en a parlé, on a commencé à travailler avec lui. Il rentrera peut-être en formation cette année, l'an prochain, dans 2 ans. Enfin voilà, on a parlé avec lui de ça. J'ai reçu un autre jeune qui est aujourd'hui ingénieur informatique, mais qui fait du modelage, qui fait de la céramique et qui se pose la question de finalement trouver beaucoup plus de plaisir dans cette activité-là que dans son activité d'ingénieur. Donc qui envisage peut-être une reconversion. On a travaillé avec lui sur ce sujet. L'après-midi, j'étais avec l'organisatrice du salon Viving, qui est un salon des métiers d'art, enfin un salon de l'habitat qui va se faire à Metz dans 3 mois, où on parlait de la façon dont on allait associer les artisans d'art à ce salon. Voilà, on est en cet après-midi, je pars visiter une faïencerie à Lunéville avec une designer très renommée de Paris qui aimerait bien collaborer pour créer de la vaisselle de table un peu plus contemporaine, mais à partir de savoir-faire traditionnel. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement varié. Oui, oui, on le voit bien. Et donc si une personne, quel que soit son âge, qu'elle soit en activité ou qu'elle démarre juste sa vie professionnelle, si elle a un conseil, une question liée au métier d'art, c'est à vous, Christophe Delavenne, qu'il faut s'adresser. Alors voilà, elle s'adresse à la mission Métiers d'art, on reçoit la personne, elle va sur le site métiersd'art-lorraine.eu, elle laisse un petit message, on la recontacte, on la rencontre, et puis si besoin est, on va l'orienter peut-être vers le pôle du bijou, je le fais régulièrement avec Monique, ou vers le CERFAV, ou peut-être lui conseiller d'aller voir Marie Flambard pour discuter avec elle de qu'est-ce que c'est que de démarrer une activité artisanale, ou aller se renseigner au pôle de compétences bois-ameublement sur les métiers qu'offre ce pôle. Voilà, c'est de la mise en relation. Très bien, mais écoutez, on est très heureux que vous soyez ici parmi nous, Christophe Delavenne, merci beaucoup en tout cas d'être ici. Vous avez effectivement évoqué différentes structures et différents artisans d'art. Ils sont tous présents avec nous aujourd'hui, donc j'en suis très fière et très contente. Je vais maintenant passer la parole à Anne Ploymakers. Je ne sais pas si je prononce bien Anne. Oui, c'est parfait. Oui. Anne, vous êtes en charge des projets événementiels et formatrice au CERFAV, le CERFAV qui est le centre de formation recherche, le centre européen de recherche et formation aux arts verriers à Vannes-le-Châtel en Lorraine. Alors, première question toute simple, c'est quoi le CERFAV ? Alors, vous l'avez bien dit, centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Oui. Donc, nous accueillons énormément de jeunes. On peut dire que c'est un lieu, en effet, qui se focalise sur l'innovation, la recherche. Et nous formons, évidemment, les jeunes, des jeunes qui peuvent avoir des parcours très différents, mais aussi les personnes qui souhaitent s'initier ou prolonger leur formation, la compléter durant leur parcours professionnel également. Et alors, vous avez donc différents types de formations, notamment une formation, me semble-t-il, qui s'appelle concepteur-créateur. Alors, à quoi sert cette formation et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, la formation concepteur-créateur est ouverte à tous les artisans, toutes les personnes qui font un métier d'art. Pas seulement le verre. Voilà, maintenant, ce sont des personnes aussi qui cherchent en fait à ouvrir leur atelier, à devenir des chefs d'entreprise quelque part, ou en tout cas à ouvrir leur atelier et à donner une viabilité à cet atelier. Et donc, c'est toute une série de formations qui leur permet d'avoir les outils et ainsi de pouvoir se lancer et s'assurer quelque part que l'activité perdure et puisse très bien fonctionner. Alors par rapport à cette formation concepteur-créateur, vous avez évoqué différents outils qui leur permettent finalement de bien s'installer en tant qu'artisan d'art. Vous pouvez nous donner des exemples ? Donc les intervenants et formateurs qui encadrent ces stagiaires leur donnent, donc, comme je disais, des outils, mais vraiment très variés. Donc il y a autant un suivi sur le plan de leur développement artistique que les outils aussi pour vraiment donner une viabilité financière à leur activité. Il y a aussi la possibilité pour eux d'avoir, par exemple, des formations sur comment mettre en avant leurs produits, comment en parler parler, comment communiquer, soigner leur image de marque. Donc ça c'est vraiment toute une guidance sur une année qui leur permet vraiment de s'établir, et on espère, voilà, comme pour Marie Flambard, leur faire démarrer leur activité et qu'elles puissent prospérer. Oui, parce que justement, Marie Flambard qui est avec nous dans le studio, rebonjour Marie. Rebonjour. Vous avez eu la chance de suivre cette formation concepteur-créateur. On en parlera dans un instant. Mm-hmm. Juste avant, pour terminer, Anne, quelle est l'actualité du CERFAV ? Alors, l'actualité du CERFAV actuellement, c'est une exposition de la terre dont nous faisons le verre, mm-hmm. qui se déroule donc à Vannes-le-Châtel. Vannes-le-Châtel, pour rappel, c'est 30 minutes de Nancy. Ça nous permet d'accueillir et d'exposer des artistes verriers lorrains jusqu'au 31 janvier, de montrer justement le panel de leur activité. Si je peux me permettre, au CERFAV, allez-y. Au niveau des formations, nous accueillons, comme je vous disais, des personnes finalement de tout âge, dont des personnes très jeunes qui ont envie vraiment de rentrer et de découvrir le secteur verrier sous tous ses aspects finalement, donc le vitrail, le soufflage du verre, mais aussi la sculpture verrière, la pâte de verre notamment, et donc on a des formations en alternance où les jeunes donc vont passer un temps important au sein d'ateliers dans toute la France et puis reviennent ponctuellement au CERFAV. Nous avons aussi une formation compagnon verrier européen. Mmh. Où là, ce sont d'ores et déjà des artistes qui ont une formation importante, beaux-arts, design et autres, et qui ont envie en fait de prolonger leur formation et de vraiment maîtriser un matériau, en l'occurrence le verre. Alors, vous avez parlé, Anne, de pâte de verre, de soufflage. Durant ces 30 heures, alors une semaine avant l'émission, puis on va continuer aujourd'hui, on va continuer demain sur la page Facebook Demain de Maître, nos invités nous ont fait le plaisir de nous offrir quelques petits cadeaux. Rendez-vous sur la page Facebook Demain de Maître aujourd'hui et demain pour gagner notamment, avec grâce au CERFAV, un petit bol en verre soufflé, également différents autres objets. Donc rendez-vous sur la page Facebook Demain de Maître. Merci beaucoup Anne. Merci. Je vous propose, puisque nous sommes bientôt à 10h30 dans ces 30 heures d'émission non-stop et 30 heures de direct sur Radio Fadjet pour les 30 ans de Radio Fadjet, eh bien, comme on fait honneur à l'année 1986, de passer une chanson qui a eu un grand succès cette année-là. C'est les Rita Mitsouko avec Andy. chez lui. Andy a toujours évité les ennuis. Andy se hâte, se méfie. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Demain de maître, jusqu'à 18h30 sur Fadjet. Évidemment, c'est pas jusqu'à 18h30, puisque c'est exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes sur 30 heures de direct non-stop. 30 heures de direct en l'hommage des 30 ans de Radio Fadjet. Donc, demain de maître, jusqu'à 11h exceptionnellement ce matin. Exactement, Florent. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h en direct avec des structures lorraines qui innovent, qui forment les talents de demain, mais également deux artisans d'art d'exception. Un tapissier d'art, ou plutôt une, si je puis dire, Emmanuel Cuny, qui est avec nous en studio, et Marie Flambard, qui est sculpteur parurier. Marie, alors une question, vous êtes sculpteur parurier, c'est-à-dire ? Alors, en fait, je suis entre art et artisanat. C'est-à-dire que je réalise des sculptures, plus particulièrement des parures sculpturales, et du coup, ce qui explique le sculpteur parurier. Mmh. Alors, je réalise des bijoux alliant le verre à d'autres matériaux. Mmh. Et du coup, mes spécialités, ce sont la pâte de verre et le chalumeau. D'accord. Alors, la pâte de verre, c'est quoi concrètement ? Alors, c'est du verre coulé au moule. Donc, mmh. C'est une technique à la cire perdue, un peu comme les techniques de fonderie, en fait. D'accord. Et donc, la pâte de verre, je la travaille régulièrement, mais de manière assez imposante, toujours en bijoux. Par exemple, sur l'un de mes bijoux qui est actuellement à l'exposition à la Maison des Arts Verriers, qui s'appelle donc le collier lombrique, qui est un collier en pâte de verre réalisé en verre translucide et qui, du coup, a été réalisé grâce à des techniques très innovantes, grâce au Fab Lab, donc au Glass Fab Lab particulièrement. Mm-hmm, du Cerfav. Du Cerfav. Qui du coup est réalisé grâce à la modélisation et à l'impression 3D. Et vous, alors vous avez, Marie Flambard, j'allais dire une particularité. Vos créations sont en lien avec les peurs, les phobies des gens, que ce soit les araignées, que ce soit les lombriques, vous en avez parlé pour certains. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une de vos créations en particulier ? Oui, tout à fait. Bah, du coup, le collier lombrique est assez, assez significatif de toutes mes créations. Après, il y en a d'autres, par exemple, comme le collier excroissance qui est actuellement exposé à Prague pour les Libensky Awards, qui est du coup réalisé, qui reprend l'aspect de la chair, mm-hmm. Et qui du coup est réalisé au chalumeau en verre sablé. Et qui reprend vraiment une texture très particulière. On a l'impression d'avoir des excroissances avec la couleur de la peau, etc. Oui, on mettra toutes les photos de vos créations sur la page Facebook de Main de Maître pour que les éditeurs puissent vraiment se rendre compte de votre talent. Alors, pour en arriver là, vous, Marie, vous êtes passée par le CERFAF, par la formation dont on parlait tout à l'heure, la formation concepteur-créateur. Et maintenant, vous résidez au pôle bijoux. C'est ça ? Tout à fait. Alors oui, je suis passée par la formation concepteur-créateur, mais avant, j'ai fait 2 ans de compagnon verrier européen au CERFAV. La formation de concepteur-créateur, j'ai décidé de la faire à ma sortie de compagnon verrier européen pour pouvoir créer mon entreprise. Donc ça m'a donné des très bonnes bases pour pouvoir créer mon entreprise au pôle bijoux taillerie, justement. Alors la transition est parfaite. Alors avant de parler du pôle bijoux, Marie, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on pourra trouver vos créations dans les semaines à venir ? Alors à plein d'endroits. Dites-nous tout. Au marché de Noël des créateurs de Baccarat, du pôle bijoux. Au Petit Bazar également. Mmh. À Nancy ? À Nancy, tout à fait. Le 12 et le 13 décembre. Et au marché de Noël sur la dernière semaine de Metz. Très bien. Donc une actualité assez riche pour cette fin d'année. Tout à fait. Et on également vous souhaite le meilleur parce que je crois aussi que vous avez, vous venez d'ouvrir votre atelier, oui, me semble-t-il. Tout à fait. Alors je l'ai ouvert au mois de septembre, mais là j'ai fait l'inauguration très récemment. J'ai pu équiper mon atelier grâce à un financement participatif. Donc là, du coup, j'ai fait l'inauguration avec mes financeurs et c'était un grand succès. Voilà. Donc je remercie aussi tous mes contributeurs. Au passage. Merci beaucoup Marie. Alors vous nous avez fait un cadeau extraordinaire pour ces 30 ans de Fadjet, pour cet anniversaire que l'on souhaite fêter tous ensemble, dans le vivre ensemble. Vous allez offrir un bijou de votre cru, un bijou fait main aux auditeurs de Fadjet. Alors c'est maintenant, oui, vous, chers auditeurs de Fadjet, qui vous nous écoutez bien sûr tous les jours, on n'en doute pas, vous pouvez remporter un bijou réalisé par Marie Flambard. La photo du bijou est en ligne sur la page Facebook de Main de Maître. Et pour pouvoir gagner ce bijou, eh bien c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple, il faut juste appeler à la radio. Alors Florent, est-ce que tu peux me... le numéro de la radio, je l'ai perdu. Eh bien ça c'est rigolo parce que moi comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne vais pas pouvoir t'aider sur ce coup-là. Alors je vais mettre un petit jingle et puis voler à ton secours en allant me renseigner d'ici tout de suite. Je l'ai. Excusez-moi, chers auditeurs adorés, c'était pour vous faire patienter. Alors, le numéro de la radio, attention, c'est maintenant, c'est tout de suite, 5, 4, 3, 2, 1, à vos téléphones. Le numéro de la radio est le 03 83 37 56 09. Je répète, 03 83 37 56 09. Le premier auditeur ou la première auditrice qui appelle à la radio Fadjet remporte le sublime collier réalisé par Marie Flambard. Merci beaucoup Marie Flambard. Merci à vous. Alors on va passer maintenant au pôle bijoux à Baccara avec vous Monique Manoa. Vous êtes chargée de mission, responsable du pôle bijoux à Baccara. Merci d'être présente ici avec nous. Alors bonjour. N'hésitez pas à parler bien dans le micro. Oui, hein. Oui, je me suis rendu compte. Est-ce que vous pouvez nous présenter le pôle bijoux à Baccara? Oui, alors déjà je vais dire ce qu'on n'est pas, hein, parce qu'il y a souvent une confusion. On est installé à Baccara, mais nous ne sommes pas liés à la manufacture de cristal Baccara. Donc je sais qu'il y a souvent des gens qui pensent quand ils viennent chez nous qu'ils vont voir du bijou en cristal, c'est faux. En fait, on est un projet de la communauté de communes, de redéveloppement du territoire. On gère deux bâtiments et quatre grands pôles d'activité. Une galerie de niveau international qui produit des expos tout au long de l'année, à laquelle est associée une boutique. Et dans le bâtiment s'appelle donc Pôle Bijoux Galerie, et là il y a aussi notre siège administratif. Et puis on a un deuxième bâtiment où on accueille des entreprises qui se sont installées cet été, c'est Pôle Bijoux Taillerie. Marie fait partie de nos résidents, donc avec une grande pluriactivité, puisqu'en fait il y a 9 entreprises et 7 activités professionnelles différentes. Mmh. Et puis on a un centre de formation autour des gestes de la bijouterie et des métiers d'art. Et l'étape qu'on est en train de mettre en route maintenant, c'est la quatrième et la dernière du projet initial, c'est la recherche et développement. Très bien, alors arrêtons-nous un instant sur un pôle que vous avez cité, une partie du pôle bijoux Baccara, c'est le pôle bijoux formation. Oui. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ce pôle est géré par une structure associative. En fait, on a tout le reste est un service de la communauté de communes, mais pour la formation, ce n'était pas très adapté. Donc, on a créé une association loi de 1901. Mmh. Et en fait, on est parti d'un constat qui était que chez les artisans d'art, c'est souvent des gens avec des parcours assez atypiques, hein, professionnels, de formation, on arrive à ces métiers-là souvent après des tours et des détours. Du coup, nous, on se retrouvait dans le bijou en face de gens qui arrivaient soit avec une formation très technique de bijouterie, donc ils avaient suivi des parcours classiques, donc ils avaient une très grande maîtrise des savoir-faire traditionnels, mais peu de créativité. Mm-hmm. Et du coup, une adaptation difficile aux demandes du public. Voilà, ça c'était le premier type de personnes qu'on voyait. Et le deuxième type, c'était des gens qui arrivaient avec soit des formations assez polyvalentes, art appliqué ou beaux-arts, soit avec des formations techniques très pointues, type des gens comme Marie, c'est-à-dire qui sont passés par des formations verts, ou des gens qui ont des formations en ébénisterie, en lutherie, en céramique, et qui à un moment ont envie de passer à la dimension bijoux et à qui il manque des gestes techniques. Et du coup, on a essayé de concevoir des formations qui soient comme des petites boîtes à outils. Alors, on n'a aucune formation longue. C'est vraiment des toutes petites sessions. Combien de temps ? La plus longue, c'est 14 jours. Donc, mais en fait, comme on est en face de gens, alors pour ceux qui sont déjà très bons techniquement, bon, on a toujours des choses nouvelles à apprendre. Il y a plutôt des formations de créativité, mais ils peuvent quand même s'inscrire dans des stages techniques. Et puis pour ceux qui sont qui viennent d'autres univers, on sait qu'on est quand même en face d'artisans d'art, de gens qui ont déjà une pratique, donc ils n'ont pas peur des outils. Ils n'ont pas peur de la matière et du coup on peut aller très vite. Donc on a essayé de travailler sur les gestes essentiels pour mettre le pied à l'étrier et après ils feront la poursuite de l'application dans leurs ateliers en direct. Quoi. Oui, et donc c'est Marie Flambard, je trouve, symbolise bien ces formations multiples en Lorraine, puisque Marie Flambard est passée par le CERFAV, puis par le pôle bijoux. Donc je trouve que c'est un joli trait d'union. Et maintenant, vous vous installez avec votre propre atelier, un joli trait d'union de ces différentes formations en Lorraine. Pour terminer, Monique Manoa, le pôle bijoux, je me suis laissé dire qu'il organisait un marché de créateurs pour les fêtes de Noël. Oui, alors c'est notre quatrième, si je me souviens bien. On a ouvert il y a 5 ans, hein, pour vous donner une idée de notre histoire. On n'a pas 30 ans encore, mais on les aura bientôt. Bientôt, bientôt. Donc, chaque année, en fait, on transforme la galerie à partir du dernier mercredi de novembre et jusqu'au dernier jour des vacances de Noël en un immense marché du bijou de créateurs. Et cette année, comme on a des entreprises métiers d'art autres que bijoux implantées chez nous, on fait essentiellement du bijou de créateurs. Il y a 38 créateurs qui vont présenter leurs pièces. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a un budget. Enfin, l'idée, c'est que ne vous étonnez pas, mais vous allez trouver des pièces chez nous à partir de 12-15 euros et qui sont pourtant des pièces de créateurs, des pièces uniques. Et puis, on monte sur le marché de Noël pas au-delà de 200-250 euros, pas trop, parce que l'idée, c'est vraiment que les gens puissent venir trouver des pièces pour offrir pour les fêtes. Pour Noël. Donc en plus des 38 créateurs bijoux, il y a une dizaine de créateurs autres métiers d'art. Donc ça va des objets pour le bureau, voilà. Tous les jours de 10h à midi et demi et de 13h30 à 18h à partir de mercredi. Et c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Et justement, pour fêter ses 30 ans et cette émission spéciale Demain de Maître, vous avez gentiment accepté d'offrir à la radio des invitations. Alors, les invitations, on le précise, pour ceux qui vont les remporter sur la page Facebook Demain de Maître aujourd'hui et demain, ne les utilisez qu'après le marché de Noël. À partir de janvier, parce que c'est dommage de les utiliser pour une opération qui est ouverte gratuitement. Exactement. Merci beaucoup, Monique Manoa. On va passer après à l'invité suivant. Alors, l'invité suivant, c'est Stéphanie Zucali. Donc là, on va faire un petit changement de place, de micro. On est en direct, c'est normal. Stéphanie Zucali, le temps que vous preniez place, je vais vous présenter. Vous êtes directrice déléguée AFPIA Est-Nord, secrétaire générale du pôle national de compétences ameublement bois décoration. Merci beaucoup d'être avec nous, Stéphanie. Rebonjour. Rebonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce qu'est ce pôle national de compétences ameublement bois décoration ? Oui, donc le pôle de compétences ameublement bois décoration a été créé en 2010 sur le territoire de Liffol-le-Grand de Château, puisque c'est le berceau historique de la fabrication traditionnelle et artisanale donc du mobilier très haut de gamme sur le territoire français. Il est né d'une volonté du Conseil régional de Lorraine, et représenté également par Christophe, la mission régionale des métiers d'art, et de la profession, donc des entreprises qui étaient soucieux de pouvoir continuer à transmettre, préserver surtout des savoir-faire uniques sur notre territoire lorrain. Et alors ses missions, c'est quoi? Alors ses missions, en fait, puisque le souci était bien de préserver des compétences très, très spécifiques, trois établissements de formation étaient associés donc à cette réflexion qui était tout à fait innovante d'ailleurs pour l'époque. C'est l'AFPIA Est-Nord, donc il y a un pôle formation qui accueille des apprentis et des adultes, le lycée Pierre et Marie Curie de Neuchâtel et puis le Greta Lorraine Sud. Et grâce en fait à cette fédération d'établissements de formation, nous pouvons accueillir aujourd'hui un public de tout statut qu'il relève de l'apprentissage, de la formation scolaire, statut étudiant ou même adulte en reconversion professionnelle comme Emmanuel pourra témoigner tout à l'heure, à des formations allant du CAP à la licence professionnelle qu'il relève des métiers d'art ou des métiers de l'industrie. Et donc, c'est assez varié, vous l'avez dit, avec un panel large. Est-ce que vous pouvez nous parler, avec ces trois sites finalement, du nouveau laboratoire du département physique et mécanique du bois? Alors, on a développé plusieurs choses en collaboration justement avec ces trois établissements de formation et la mutualisation des plateaux techniques et aussi des ressources humaines et pédagogiques. C'était d'abord un pôle métier d'art, dont est issu Emmanuel, donc, qui forme aux métiers traditionnels comme l'ébénisterie, la menuiserie en siège ou la tapisserie d'ameublement. Mais nous venons tout récemment de développer également tout un pôle numérique dont on a parlé tout à l'heure. Les métiers d'art ne sont pas du tout isolés de la partie numérique aujourd'hui. Exactement. Donc avec un laboratoire effectivement d'essais mécaniques et physiques, mais aussi un développement de tout un centre d'usinage numérique et puis donc des acquisitions sur forcément des investissements 3D aujourd'hui qui sont nécessaires. Donc imprimante 3D, scanner 3D, découpeuse laser. Vous l'avez dit Stéphanie, les métiers d'art en Lorraine, c'est à la fois des savoir-faire mais également un regard tourné vers l'innovation avec différentes choses. On a parlé tout à l'heure du CERFAV avec évidemment le Fab Lab, le Glass Fab Lab. Il y a différentes structures qui sont portées vers l'innovation et qui permettent à des jeunes finalement d'innover avec des choses très très créatrices, très nouvelles. Une illustration concrète, c'est Emmanuel Cuny qui est avec nous ce matin dans le studio, qui est tapissier d'art. Alors vous allez nous parler de votre parcours tout à l'heure Emmanuel. Juste avant, pour terminer avec vous Stéphanie, parlez-nous d'Emmanuel Cuny, tapissier d'art. Elle a suivi une formation au sein de votre structure. Tout à fait. Alors, elle a bénéficié, donc il y a 3 ans, c'était dans les premiers dispositifs qu'on avait créés sur les centres de formation. Donc, elle a pu bénéficier d'une formation complémentaire en bénéficiant des 2 plateaux techniques et des 2 ressources pédagogiques, évidemment, des 2 plateaux techniques. Ce qui est vraiment la richesse, je crois, de ce pôle de compétences, c'est l'association permanente des entreprises, ce qui facilite d'ailleurs l'accès aux stages aussi et puis aux contrats d'apprentissage, et puis aussi donc la mutualisation de ces moyens humains et techniques pour que les formations soient très qualitatives et complémentaires. Et vous faites une transition parfaite puisque Emmanuel Cuny est avec nous dans le studio. Rebonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes tapissier d'art, vous avez un parcours assez éclectique, je dois dire, avant d'arriver au métier de tapissier. On va en parler à l'instant. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors vous, à l'instar également de Marie Flambard, qui est passée du CERFAV au Pôle Bijoux et qui a maintenant son propre atelier. Emmanuel, vous êtes passée, on l'a dit à l'instant, par effectivement le pôle national ameublement bois, décoration. Vous, Emmanuel, donc vous êtes tapissier d'art. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre métier ? Alors moi, effectivement, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, puisqu'au départ, je suis éducatrice sportive. Ah, rien à voir. Rien à voir, en gymnastique rythmique. Donc c'est quand même une activité qui était énormément basée sur la danse. Donc j'ai fait énormément de danse toute ma jeunesse. J'en ai fait mon métier. Je me suis mariée avec un artiste. J'ai découvert un nouveau monde. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu envie de travailler un peu dans l'art. Et en tapant très simplement métier d'art, sans savoir que ça existait réellement, je suis tombée sur le secteur des métiers d'art. Donc, je me souviens très bien avoir été voir Christophe une première fois, qui m'a très gentiment dit vous reviendrez quand votre projet sera prêt. Ça c'est fait. Hein. Non mais ça a été quelque chose d'important parce que j'ai approfondi, j'ai cherché pourquoi je voulais faire ça, ce que je voulais vraiment en faire. Et donc du coup je suis tombée sur, j'ai été voir une exposition des frères Campana qui ont énormément travaillé sur le siège et je me suis dit mais c'est génial, le siège on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je suis retournée voir Christophe. Vous êtes assis sur le futur siège que vous alliez faire. Voilà, et du coup, il m'a parlé des formations qui étaient possibles. Donc voilà, j'ai tout lâché, tout ce que je faisais, et j'ai laissé mon mari, mes 3 enfants à la maison. Et je suis partie en formation, Neuchâteau, Liffol-le-Grand, une année avec mon appartement. Et j'ai appris les bases du métier que je ne connaissais pas. Du siège. Voilà. Alors les bases, c'est vous faites de la restauration, de la modernisation également de la réinterprétation et de la création sur mesure ou création unique. C'est beaucoup, hein. Oui, ça évolue tout le temps, en fait. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment envie de faire de la création. Je voulais travailler dans le domaine de l'art, donc pour moi, c'était important d'aller à là. Donc la restauration, ben, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris durant mon année de formation. Donc oui, ça fait partie de mon métier. Ensuite, la réinterprétation, c'est un peu, c'est un peu le fauteuil de ma grand-mère. C'est ce que je dis. J'ai récupéré un fauteuil de ma grand-mère et j'ai voulu en faire autre chose. Donc, j'ai gardé la structure et j'ai changé. Grâce à ce que j'avais appris en base, en fait, j'ai essayé de me dire quelle garniture je peux faire. Donc, voilà, j'ai fait des petits blocs. Donc ça, c'est la réinterprétation. C'est utiliser l'ancien pour faire du nouveau. Mm-hmm. Ensuite, tout ce qui est création, c'est ce que j'ai pu voir au CERFAB quand j'ai fait concepteur-créateur, puisque c'est un peu, voilà, c'est développement de la démarche artistique. Donc, c'est travailler sur la forme, donc se rendre compte qu'on a besoin d'ébéniste, parce que c'est pas mon métier. Donc, mais par contre, on peut. Donc, on a appris à travailler en 3D avec les logiciels. Donc, tout ça, c'est possible. Et donc, ça, c'est tout ce qui est création. Et ensuite, maintenant, je m'attaque au tissu. Donc, pourquoi ne pas inventer ? Pourquoi ne pas créer sa propre collection de tissus et pourquoi ne pas proposer des tissus uniques ? Et justement, vous nous faites le plaisir, en tout cas pour un auditeur qui sera très chanceux de gagner une de vos créations avec cette réinterprétation du tissu. Une dernière question, Emmanuel, où est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement ? Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'endroits. Donc, dès cet après-midi, je serai à Thaon-les-Vosges à partir de 14h au salon Essence et Matière. Oui. La semaine prochaine, je serai à Villers-les-Nancy au rendez-vous Prestige de la Saint-Nicolas. Mm-hmm. Je serai également au Petit Bazar le 12 et 13 décembre. Et donc, pour le mois jusque-là, ce sera 3 expositions. Vous venez de parler là d'un salon. Effectivement, vous avez fait gagner une internaute qui est très contente, qui a remporté les 2 invitations. Très bien. Donc voilà, elle vous remercie. Donc je serai heureuse de la rencontrer, en tout cas, durant le vernissage. Et je le répète, hein, durant cette journée des 30 heures et demain jusqu'à 15 heures, sur la page Facebook, je vais mettre des invitations, un tote bag, un livret, des créations offertes par les structures présentes ici. Eh bien, dans le studio, je les en remercie vivement, ainsi que effectivement des petits cadeaux à gagner offerts par nos deux créatrices. Donc je vous remercie vivement. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Stéphanie ? Oui, j'aurais voulu dire en termes d'actualité également. Donc nous serons présents, donc la mission régionale des métiers d'art et également le pôle de compétences. Donc pour ceux qui veulent se former aux métiers d'art et notamment à l'ameublement, pour moi, on sera présents sur le salon Réaction au parc des expositions de Metz les 26, 27 et 28 novembre. Très bien, c'est noté. Oui, Christophe, rapidement parce que très rapidement. Simplement, on a beaucoup parlé numérique, métier d'art. Il faut bien comprendre, c'est important, que le numérique, il ne vient pas remplacer le geste de l'artisan, il vient le compléter. Ça veut dire qu'on ne devient pas simplement artisan numérique en manipulant un ordinateur. C'est quelque chose de plus qu'on ajoute à l'artisanat. C'est important parce que ça ne remplace pas la main. Vous avez raison de le rappeler. Effectivement, il y a les savoir-faire plus l'innovation. Alors, pour terminer, 7 heures en beauté, des coussins à remporter, des coussins créés par Emmanuel Cuny. Je vous remercie encore de nous faire ce cadeau-là. Alors, vous pouvez appeler au 03 83 37 56 09 03 83 37 56 09. La première personne qui appelle remporte les coussins. Il y a 4 coussins différents à gagner, donc on va dire les 4 premiers qui appellent. Voilà. Bonne chance à tous. Encore merci à tous d'être venus ici à la Fadjet pour fêter ces 30 heures et ces 30 ans surtout de radio et surtout vive les métiers d'art.